plus encore. Que j'ai mal quand ton absence attise ma douleur. Que j'ai mal, je n'arrive plus à surmonter mes peurs. Que j'ai mal, ma solitude ne trouve pas l'âme sœur. Prendre ta main, te dire je t'aime et te voir me sourire.